C'est déjà mon sixième épisode et j'ai vraiment commencé à y prendre goût. Et je me suis même rendu compte que j'avais déjà un peu une manière de faire. C'est-à-dire que je réfléchis à quelque chose pendant plusieurs jours, à quelque chose dont j'ai envie de parler. J'y réfléchis, ça me trotte dans la tête un peu en permanence. Et à un moment, voilà, j'essaie que c'est le moment. Que je commence à écrire et je l'enregistre d'un coup, comme si je devais m'en débarrasser, presque. Et du coup, toute cette semaine, j'ai pas arrêté de penser à une, parce qu'il y en a plusieurs, à une des origines de ce podcast, même si la forme podcast est arrivée bien après, en fait, à l'origine de. Voilà, du fait que je me lance, que j'écris, voilà, que je crée quelque chose. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Je vais vous raconter l'histoire de la Pachamama. La Pachamama en quechua, je crois que c'est du quechua. En quechua, ça veut dire la terre-mère. Et a priori, ça n'a aucun rapport avec l'écriture. Mais vous allez comprendre. La Pachamama se célèbre en Amérique latine chaque année le 1er août. Et avant cet été, j'en avais jamais entendu parler. Vraiment, jamais. Sauf que ce jour-là, ce 1er août 2018, je suis allée chez ma grand-mère et elle était avec une amie à elle, qui s'appelle Anna, qui était cuisinière dans l'école où elle était bibliothécaire un peu avant sa retraite. Et Anna était venue lui apporter Caña de ruda. Elle a encore aucune idée de ce que c'était. Du coup, Anna a commencé à me raconter l'histoire de la Pachamama, qu'elle appelait croyance. Et chaque 1er août, les communautés indiennes du nord, du sud de l'Argentine, d'un peu partout aussi en Amérique latine, célèbrent la terre-mère en la remerciant de ce qu'elle leur a offert pendant l'année et en faisant le vœu d'une nouvelle année pleine de prospérité. Alors ils creusent un puits dans le sol et chacun vient y déposer un petit peu de ce qu'il produit. Par exemple, l'agriculteur va mettre une petite plante de maïs. Une cuisinière, elle va mettre une empanada, comme ça. Et après, il le recouvre avec des grandes feuilles. Et voilà, pendant l'année, ce qu'ils ont mis se décompose et l'année d'après, ils recreusent au même endroit. Et elle me racontait ça tout émue, parce que le matin même, elle avait regardé à la télé une retransmission de cette cérémonie où elle avait vu un homme déposer un petit bout de brique de la maison qu'il avait lui-même construite. Et elle me disait oui, j'avais les larmes aux yeux. Et après, elle me tend la bouteille de caña de ruda, elle me dit, voilà, bah, le jour de la Pachamama, c'est tradition d'en boire. Et du coup, en fait, la caña, c'est une liqueur faite à partir de canne à sucre. Et quand on boit, il faut faire un vœu. Du coup, ma grand-mère prend un shot. Moi, j'ai pris une petite gorgée parce que c'était un peu fort et qui devait être 3 heures dans l'après-midi. Et voilà, bon, par rapport à tout ce que je raconte, je vous laisse deviner quel vœu j'ai fait. Mais au-delà de cette histoire, en fait, cette caña de Anna, elle était particulière. Parce que c'était une caña de ruda. Alors, la ruda, c'est une plante. Et bon, j'ai essayé de chercher comment ça se traduisait en français. Voilà, rue, ruta, je sais pas. C'est une plante. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, elle me racontait que voilà, c'est une plante qui chasse le mauvais œil. Chez elle, dans son jardin, elle fait grandir depuis plusieurs années una planta de ruda et qu'elle met après devant la poignée de sa porte pour chasser le mauvais esprit, tout ça. Et cette plante-là, en fait, c'était sa grande-tante qui était chasseuse de mauvais œil qui lui avait donné. Alors en gros, cette grand-tante, elle débarrassait les gens de ce qui s'appelle l'ojeada, c'est voilà, le mauvais esprit. Et elle lui a légué cette plante le jour avant sa mort. Et c'était une mort qui était complètement imprévisible. Et du coup, Anna me racontait que voilà, c'était comme si, d'une certaine manière, sa grand-tante avait senti qu'elle allait mourir et qu'elle devait lui léguer cette plante-là. Et elle était super émue parce qu'elle était un peu en train de revivre le moment où elle avait trouvé cette sorte de testament. Et après, elle m'a regardée et elle m'a dit, voilà, bah, aujourd'hui, je t'ai transmis cette croyance, cette histoire. Et une fois que tu seras là-bas, là où tu habites, tu pourras aussi la transmettre. Peut-être même un jour à tes enfants. Et après, elle est partie, bon, elle est rentrée chez elle. Et je suis restée là, mais complètement perdue. J'étais toute tremblante. Je sais pas, enfin, c'était super fort comme moment. Et en fait, j'avais un peu oublié cette histoire de bon, toi aussi, tu devras le transmettre. Du coup, je me suis dit que ouais, c'était peut-être le bon endroit. Et que maintenant, au moins, il y a plus de monde qui connaîtra cette histoire de la Pachamama.